France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Après la mort de Staline, dans les années 50, le nouveau dirigeant russe Nikita Khrouchtchev introduit une relative liberté d'expression artistique et un droit très limité à la critique et à la raillerie sociale dans la musique. Le compositeur pestiféré Dimitri Shostakovich peut créer une opérette satirique qui se moque de certains fonctionnaires qui abusent de leur pouvoir pour préempter des appartements dans des nouveaux immeubles construits pour résoudre la crise du logement. L'opérette s'intitule « Moscou, quartier des cerises ». Elle est créée en 1959 et c'est la première fois qu'elle est montée à Paris depuis vendredi au Théâtre de l'Athénée. Au Théâtre de l'Athénée, le nouveau titre est « Moscou Paradis, comédie musicale ». En fait, la comédie musicale fait largement partie aussi de la culture russe. Elle a connu une certaine gloire derrière le rideau de fer et notamment sous Staline. Ce matin, je vous propose de découvrir les comédies musicales communiste en route. Allons-y, camarades! En voiture! Прокатились не по улицам Москвы. Очень мило, приятно, скажи, Thank you. La 42e rue de France Musique s'installe derrière le rideau de fer ce matin avec, pour débuter, deux extraits de Moscou, Quartier des Cerises, l'opérette de Dimitri Chostakovitch qu'il compose en 1959, actuellement à l'affiche du Théâtre de l'Athénée à Paris. Un instant, le duo d'un couple d'amoureux qui viennent d'emménager dans leur appartement flambant neuf du Quartier des Cerises de Moscou, un quartier nouvellement construit pour pallier à la crise du logement. C'était un enregistrement par l'Orchestre de la Haye, dirigé par Gennady Rozhdestvensky, avec Lydia Tchenich et German Apaikin. Et pour débuter, l'excursion de quelques-uns de ces moscovites vers cette nouvelle demeure. Un extrait là de la captation par France Musique de la première présentation en France de cette œuvre. C'était à l'Opéra de Lyon, Lyon dans une mise en scène de Macha Makeyev avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon sous la direction de Alexandre Lazareff en 2004. Dans cette opérette, devenue donc au théâtre de l'Athénée Comédie Musicale, pour le titre Moscou Paradis, Shostakovitch, autrefois pestiféré, sous Staline, bien mélangé air populaire, jazz, cuivre et valse dans une partition on ne peut plus légère. En voici un autre extrait, l'installation d'un autre couple dans son nouvel appartement, et là, ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer avec la petite sonnette. Ensemble, tu entends, Sacha, notre belle sonnette. Très réussi. Quand j'entends une sonnette, je me souviens de mon enfance. Поставьте сюда этот ценный груз, номер у братья Ларис. Я к русскому стилю давно привык, но здесь остановится большевик. Ни капли не страшно, ничуть не опасно. Они расплачиваются прекрасно. Ясно. Чтоб сразу суровый жилец обмяк, развесим любимый им красный мак. Всякий конец положить вражде, повесим повсюду портреты вождей. Противовес большевистской заразе подсунем ему великого князя. Расставим побольше повсюду кустарщины, она ими всюду в Европе растащена. Музыка. от массу. Электрическая чесалка в России любят по три часа, чтоб мысли шли ни шатка, ни валка, язык затылок и спину чесать. Маэстро, русских в рабочем веденье ходят другие сведения. Там нет больше места ни лени, ни скуки, у них на работу чешутся руки. Сыть! Молчать! Это распространяет большевистская печать! Украсим все, что попасть ему в точку. Гирлянды, серпочков и молоточков. Уборка закончена, а-ля Русь. Безмолвная шире, безмерная грусть. Теперь, как по-русски говорится, пожалуйте мыться, стричься и бриться. Живи, живи, кончается скорбей. Chantons derrière le rideau de fer ce matin sur la 42e rue de France Musique avec à l'instant un extrait d'une autre opérette de Dimitri Chostakovitch qui connut un sort moins favorable que Moscou, quartier des cerises. Le grand éclair jamais monté du vivant du compositeur et qu'on a pu découvrir en 2010 à la Cité de la Musique à Paris. Une œuvre que le compositeur entame en 1932 pour fêter le 15e anniversaire de la Révolution russe. Une commande du théâtre d'opéra Mali de Leningrad qui avait mis sur pied des brigades artistiques pour composer ce qu'ils appelaient des nouveaux opéras soviétiques. Alors le grand éclair, c'était une œuvre sur la lutte des classes en Occident. L'histoire d'une délégation soviétique animé de bonnes intentions, envoyé dans un pays capitaliste où les Occidentaux, évidemment malfaisants, font tout ce qu'ils peuvent pour semer le trouble, mais dont les héros soviétiques viennent à bout. Et cet air était interprété par le directeur de l'hôtel occidental qui expliquait ce qu'il fallait attendre des bolcheviks. C'est Oleg Dolgov qui interprétait cet air avec l'orchestre symphonique russe sous la direction de Valery Polyansky. Alors Chostakovitch avait arrêté de composer cette œuvre, estimant qu'elle n'était pas digne de lui. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Le fait est que dans ces années 30, l'art doit suivre les consignes du parti en Russie et participer à l'instauration du nouvel homme soviétique. C'est le réalisme socialiste dans l'art. On aime la musique populaire. Lénine d'ailleurs avait expliqué « Je ne puis considérer les œuvres expressionnistes, futuristes, cubistes et autres istes comme les manifestations suprêmes du génie artistique. Je ne les comprends pas. » Au cinéma, les films doivent devenir une ode politique à la construction du nouvel homme soviétique et les comédies musicales deviennent l'un des instruments du pouvoir. Le réalisateur le plus prolifique du genre est un disciple de Sergei Eisenstein, Grigori Alexandrov. Il tournera une dizaine de films inspirés souvent d'Hollywood où il avait passé quelques temps et infusés de jazz. Écoutez le générique de son tout premier film musical, Les Mauvais Garçons, 1934. Thank you. Товарищи, у меня свидетельство имеется. Во! Извиняюсь, товарищи. Рейс сделали? Сделали. 30 рублей подряжали? Подряжали. Гони монету. Мне еще за покойником обернуться надо. Так, погоди, ты сейчас отработаем, обратно поедем. Покойник, товарищ. Покойник подождет, ему спешить некуда. Деньги давай! Deux extraits de l'un des tout premiers films musicaux soviétiques, Les Joyeux Garçons, Jolly Fellow, signé Grégory Alexandrov, une comédie loufoque, une jeune femme riche qui croit inviter un célèbre maestro à donner chez elle un concert, mais se trompe, et invite en fait un jeune fermier qui vient avec moutons et vaches qui entrent dans la maison et mettent un petit peu le désordre. À la fin de l'histoire, le jeune fermier se retrouve pourtant à diriger, ce qu'on vient d'entendre, un véritable orchestre dans des sonorités très jazz, et une musique signée Isaac Dounaïevski. Dans les années 30, en même temps en fait que Staline élimine les ennemis de l'intérieur, il promeut aussi la culture populaire. Le responsable administratif du cinéma soviétique, il y en a un, il s'appelle Boris Choumaïevski, émet un décret qui encourage la production de films musicaux en expliquant que l'industrie du cinéma devrait se concentrer sur des films qui s'adressent à des millions de gens. Et Alexandrov, le réalisateur, eh bien, va proposer comme ça plusieurs films en faisant jouer sa femme, la blonde Lyubov Orlova, qui va devenir une des icônes de l'époque et qu'adulera Staline. En fait, elle devient l'incarnation de la jeune femme paysanne blonde qui atteint ses buts grâce à son travail acharné, son talent, un optimisme forcené dans l'idéologie soviétique, une actrice qui fait penser par sa voix d'opérette, à vrai dire, à Jeannette MacDonald. Le film de chevet de Staline, c'est un autre film d'Alexandrov, Volga Volga, hymne à l'union du pays sous l'égide de Moscou. On dit que Staline a vu 100 fois le film et l'offrira même à Franklin Roosevelt. Et dans ce film, l'actrice incarne une postière d'un petit village sur la Volga qui joue et chante dans des spectacles locaux. Et puis avec son petit ami qui veut participer à une olympiade musicale à Moscou, ils descendent donc la Volga pour se rendre à Moscou. Et juste après, vous allez entendre l'extrait d'un autre film, Le Cirque, toujours de Grigori Alexandrov, une chanson qui deviendra le deuxième hymne officiel de l'Union soviétique. Not we sleep. Ironique les paroles de cette chanson dans la comédie musicale de Grégory Alexandrov, Le Cirque, un film vu par 40 millions de spectateurs. Je vous dis les paroles que sont en train de chanter, c'est une sorte de berceuse. Les différents membres de la communauté en Union soviétique, les différentes langues, devant un petit enfant noir. Je vous cite, « Dans nul autre pays existe une telle liberté pour le peuple ». Je vous rappelle que à cette époque-là, Staline envoyait quand même les opposants au régime dans des goulags. Eh bien, ce film, Le Cirque, est vraiment symptomatique de la comédie musicale derrière le rideau de fer dans les années 30 et 40. C'est l'histoire d'une jeune américaine avec un enfant noir qui décide, pour fuir le racisme qui existe en Amérique, de s'installer en Union soviétique, un air qui deviendra le deuxième hymne officiel de l'Union soviétique. Pour ce film, et pour tant d'autres d'ailleurs, le réalisateur Grégory Alexandrov s'inspire en fait des films et des angles de prise de vue en contre-plongée, par exemple, de Busby Berkeley. Il a été à Hollywood, il a vu un petit peu comment, bien, à quoi ressemblaient ces films. Et toutes les musiques dans ces comédies musicales à l'époque sont signées d'une seule personne, Isaac Dounaïevski, un compositeur prolifique d'une douzaine d'opérettes qui étudie d'abord au conservatoire le violon avant de bifurquer vers le musical. On lui devra aussi la musique de 88 pièces de théâtre et de 42 films ainsi que des partitions de jazz. Il fut le premier compositeur russe à utiliser le jazz. Il recevra deux fois le prix Staline. Ce compositeur travaillera avec l'autre grand réalisateur russe de comédie musicale. Il s'appelle Ivan Piriev. Alors, ses films sont plus ancrés dans le folklore russe. Et dans ses comédies musicales, c'est pas comme à Hollywood. Les acteurs ne sont pas en train de construire des spectacles. Non, ils sont en train de construire des ponts. Et là, par exemple, dans Les Cosaques du Kouban, qui raconte une histoire d'amour dans deux kolkhozes, deux fermes collectives soviétiques, eh bien, le film s'ouvre avec des fermiers dans les champs en train de faucher l'herbe et des jeunes hommes au volant de tracteurs. Et évidemment, tous chantent un air qui fait la propagande du travail. Thank you. не пропадет. Нет, не пропадет. Потому что очень дружный и надежный договор. И пойду, пойду на волны, города на большаку. И отдаду кораблю волны, приведет и найдет дур. Убирай, убирай, не кружай, не кружай, не кружай, не кружай. Чести трудовой. Если ж к этому награда будет нам присуждена. Мы не скажем, нет, не надо. Мы ответим, что нужно. Убирай, убирай, нагружай, нагружай. Nagy bölcsen gondtalan, és egy nap semmi sem megy úgy, mint tegnap. Váratlan fordulat feldúl egy perc alatt, csak nézel, s olyan különöset érzel. Hát kétszer kettő, így lesz öt, szíved dobban, mindig jobban. Szerelem hozza ezt a nagy változást, s ez áthúz egy vonással meg annyi számítás. Akik a vizsgán megbuknak, ugye, hogy semmit nem tudnak. De aki mindig tervet készít, az is egy érző ember csak. Mikor a szívről van szó már, az, aki számol, rosszul jár. Ezen a téren sajnos kezdő, aki a számtanban tanár. Mert kétszer kettő, néha öt, nem csalás, nem ámítás. De valóban sokszor hibás a számítás. Egy sokszor hibás a számítás. Hát kétszer kettő, néha öt, minden tételt félrelök. Egy sokat ígérő szerelmes pillantás. Élsz békés boldogan, nagy bölcsen gondtalan, és egy nap semmi sem megy úgy, mint tegnap. Váratlan fordulat feldúl egy perc alatt, csak nézel, s olyan különöset érzel. Hát kétszer kettő, így lesz öt, szíved dobban, mind jobban. Szerelem hozza ezt a nagy változást, s ez áthúz egy vonással meg annyi számítást. Aki eddig fölényesen csevegett a táncról, kedvesével, mint a hal a vízbe úgy ficánkol, nem szerette a zenét, de rázendít egy dalra. Slágereket üvöltözve tör a diadalra, utálja a turisztikát, a széltől is fázik, szerelmével szuszogva János egyre mászik. Nem hitt el magáról, hogy szerelmes lehet, szörnyen tévedett. Mert kétszer kettő, néha öt. Kétszer kettő, néha öt. Mind jobban szerelem hozza ezt a nagy házat. Ce n'est pas du russe, c'est du hongrois. On est dans les années 50 après-guerre et l'Union soviétique est peut-être moins friande de films musicaux après la mort de Staline. Mais les pays satellites, comme on les appelle, reprennent le flambeau. Hongrie, Tchécoslovaquie, RDA. Alors, comme ils n'aiment pas vraiment, évidemment, ces peuples-là, voir des films musicaux soviétiques trop partisans, ils créent les leurs. À l'instant, un film hongrois, 1954, qui mélange parfaitement opérette et réalisme socialiste. 2 plus 2 font parfois 5, du réalisateur Gheorghi Revesh, et une musique qui commence à devenir plus pop, vous l'avez compris. Szabolcs Fényecs est le compositeur de plusieurs opérettes et de la musique de ce film. Un film qui raconte une idylle amoureuse entre une jeune assistante et un pilote d'avion, avec toujours des personnages de femmes fortes, parfois asexuées. Ici, la chanson-titre est interprétée par Laszlo Kazal et Ilona Olos. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Et les comédies musicales communistes. Dans les années 60, en Tchécoslovaquie, des films musicaux de teenagers voient le jour. Par exemple, Les cueilleurs de houblon. Chaque année, m'a expliqué Denisa Kershova, que vous connaissez bien sur France Musique, eh bien chaque année, les ados tchèques vont passer quelques semaines de leur temps pour cueillir le houblon qui servira ensuite à fabriquer de la bière. Les ados sont loin de leur famille et là, ils vivent souvent leurs premières rencontres amoureuses. C'est le thème de ce film réalisé quelques années seulement après West Side Story et qui s'en inspire beaucoup. Le premier morceau se déroule dans un gymnase où se rencontrent garçons et filles. Hodní hoši se najdou vždy a všude, hodných hochů bylo vždy a vždycky bude moře. Hodným hochům jen oko pro pláč zbude, hodný hochy maštím. Pátým pádem voláme, hodní hoši, nesmíte nikdy slevit, po hodných hoších se nejlíp veze prevít. Mezi kým? Mezi čím? Mezi hodnými hochy je sladko žít. Tu gramatiku znám, můj otec za to ručí, vždyť právě on to byl, kdo skloňovat mě učil. Chytří hoši si berou, co jim patří, chytrý hochu dodrží se má za tři. Komu? Čemu? Inu jenom chytrým patří svět. Já jsem tak šťastná. Víte, že jsem se skoro bála sem jet? Ta modlitba ti vrátí zdravý chatr. Ne, to je celá mimo diskuzi. A ač Jan Amos Komenský byl bratr, nezafrkujeme ho soudruzi. Bossa Nova, extrait d'une comédie musicale tchèque, certainement la plus célèbre en République tchèque, des amours d'étudiants dans Les cueilleurs de houblon, un film de Ladislav Richman en 1964 avec des chorégraphies qui rappellent West Side Story et des musiques composées par Jiří Pajante, Jiří Malasek et Vlastimil Hala. un film adapté en comédie musicale récemment. Autre grande comédie musicale tchèque avec une vedette du cinéma et de la chanson, c'était 6000 clarinettes. Une histoire dans une caserne militaire, dans une ville thermale, qui vient de subir un sort étrange lors de la fête du bicentenaire de Jean-Sébastien Bach. Effectivement, toutes les armes se sont transformées en instruments de musique et l'armée a beau envoyer des renforts, elles se transforment, ces armes, immédiatement en instruments. Avec une vedette dans ce film, Anna Egerova, sur une musique de Jerzy Schlitter, un film de 1964. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, gloria. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, gloria. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, gloria. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, gloria. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, gloria. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, gloria. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, glory, gloria. Glory, hallelujah. Glory, gloria. Glory, hallelujah. Glory, gloria. Glory, hallelujah. Glory, gloria. Glory, hallelujah. Заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой. Но никогда вкуса не мог свернуть. On referme cette 42e rue avec une comédie musicale russe toute récente, sous Poutine, en 2008, Les Azous, qui se déroulait dans les années 50, l'histoire d'un membre de la jeunesse communiste qui se transforme en Zazou, un film coloré signé Valérie Todorovski. Tout ça pour vous conseiller d'aller voir à Paris, si jamais vous passez par là, au Théâtre de l'Athénée, cette comédie musicale, cette opérette de Shostakovich, Moscou Paradis, composée dans les années 50, par la compagnie Opéra Louise, qui propose des dialogues en français, des airs en russe et un accompagnement à deux pianos, un spectacle chanté en russe et en français, surtitré, sous la direction musicale de Jérôme Kuhn. Je vous propose l'air de l'une de ses habitantes de ce nouvel appartement, dans ses nouvelles habitations à Moscou dans les années 50, pour pallier la crise du logement, un air interprété par Sheva Théoval. Oh. Moscou Paradis de Dimitri Shostakovitch à découvrir à Paris au Théâtre de l'Athénée jusqu'au 16 février. Merci à Denisa Kershova et merci à Joël Chaperon, spécialiste du cinéma russe qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission. Le podcast, la programmation, des extraits de films, à retrouver tout ça sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook de 42e rue et sur Twitter avec le hashtag 42 rue. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière, préparée par Martine Moni et Solal Mazran, avec à la technique Mathieu Tourin et à la réalisation Fabien Flora. Dans un instant, vous retrouvez la chambre classique de Jean-Baptiste Urbain. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.